vous les avez vus. Vous les avez connus. Le Macumba, le Zénith, l'Acropolis, les bains-douches, le pick-up, le palace. Et puis, il y avait la nuit des temps. Un club dans le nord de la France qui avait pour particularité de programmer des sons dans tous les sens. De la soul, du funk, de l'électro, de la disco et même du jazz. Chaque semaine, nous allons faire revivre l'esprit unique de ce club. Chaque semaine sur Radio Dio, nous allons rouvrir les portes de la nuit des temps qui, à la fin des années 70, avait créé sa radio, une radio pirate pour diffuser ses playlists. On rallume les amplis, ça grince un peu. On dresse l'antenne comme les studios de la RKO. Bienvenue dans la nuit des temps. Jens Lekman a 17 ans lorsque, tranquillement allongé dans son canapé à Göteborg, en Suède, il entend ce bon vieux groove signé Jackie Studemeyr, Dancing. Nous sommes maintenant en 2017 et Jens Lekman a grandi. Il est devenu un solide gaillard et publie son excellent album Live Will See You Now. Et avec cette bonne vieille Jackie, depuis rangée au rayon des brocantes, est revenue parmi nous. Subatomic particles became atoms, became stars, became galaxies. The Earth's crust became solidified. The planets became perfectly aligned. Jupiter blinked with its little red eye. Oxygen replaced methane. A party started in the ocean. Trilobites and crustaceans. A Cambrian explosion. A conga line headed up on land. Out of the to the frying pan, a layer of iridium paved the way for furry mammals with big beautiful brains. The Congo River divided the chimpanzees, the peaceful bonobos from the ones like you. Stood up, picked an apple from a tree. Someone pointed a finger, said that apple belongs to me. And people fought and loved and died, and everywhere babies opened their eyes and had their hearts broken, laughed and cried. Watched the planet slowly collide. And one day I asked if I could borrow your bass guitar. Not that I needed one, but I didn't know where to start. grab my heart and kiss me quick under a hand. Dancy boy, let me show it to you, man. Yeah, we got a beat. Lewis Hoffman en powerplay cette semaine dans La Nuit des Temps, celui qui a commencé gamin à faire des boucles hyper cheap sur son téléphone Sony Ericsson, eh bien il n'en finit pas d'aller à l'essentiel et avec le cœur. Nous sommes à Paris en 2020, Dancy Boy. Dancy Boy. La nuit des temps, Radio Dieu. Le mystère des pyramides, parlons-en, et ça ne se limite pas à l'Égypte, mais trouve aussi sa source dans le boogie de la fin des années 70. André Evans, c'est son nom, a commencé à jouer de la batterie dès l'âge de 7 ans, puis il a cumulé des participations à des groupes de diverses fortunes jusqu'à sa rencontre à Boston avec Gunther Veil du label Intermedia Sound. Et ce Gunther Veil, vous savez ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit « Mon petit, tu as bien du talent et tu vas te lancer dorénavant en solo ». En 1978, André Evans est fan d'Égypte et puis d'OVNI, ça va bien ensemble. Et quoi de plus naturel que de prendre comme nom de scène Evans Pyramide. Après un chagrin d'amour, il joue presque de tous les instruments sur son magnifique Never Gonna Leave You. Le label américain Cultures of Soul a réédité cette merveille en 2019 et fait ressurgir le zozo dans tous les bons clubs de la planète. Ici, on vous joue une version remixée par Joachim qui n'a rien dénaturé de l'original, avec juste un peu de ci, de là, un peu plus de relief, deux ou trois boucles et puis une version nettement allongée. Nous sommes à Boston. Nous sommes en 1978 et en même temps en 2019. Big up à Pyramid Evans qui n'a même pas sa page sur Wikipédia. Never gonna leave you. Mais non André, on n'est pas prêt de te quitter. Et on est bien dans la nuit des temps. En 1998, Capitol Records lançait le quatrième album studio des Beastie Boys. Dès la première semaine, Hello Nasty est classé numéro 1 aux États-Unis. Alors pourquoi Hello Nasty, c'est un drôle de titre pour un album? Eh bien la légende veut que ce soit la standardiste de la boîte de com qui gérait les Beastie Boys qui décrochait avec comme message d'accueil « Hello Nasty ». Nous sommes donc à New York, le 14 juillet 1998, et la saveur latine de Songford Jr. commence à inonder les rues de New York, et c'est un délice. Radio Dio, la nuit des temps. Et voici à mon sens l'une des plus belles découvertes musicales de ces dernières années, direction le Brésil. C'est l'immense Tim Bernardes avec sa mélancolie généreuse et rayonnante. Volupté, arrangement confondant, nous sommes pile à la jonction de l'indie folk et de la samba. Nous sommes en 2022 à Sao Paulo. Falta. sinto no corpo todo, toda, tudo e total, tô à toa, zoa, voa, vai ver a vida te salva, salta, solta, que a alma volta mais alta, Il a travaillé avec John Coltrane au milieu des années 60. Il a plus de 30 albums à son actif, c'est carrément énorme. Et il fallait au moins ça, car l'amour est partout, partout, partout dans sa musique et ça déborde. Dans la vibration, sur les longues plages musicales qu'il cultive, dans le vibrato de son saxophone, et puis dans ce grand mix du piano et des percussions. Mais oui, c'est du jazz à danser, du jazz comme on l'aime. Love is everywhere. Pharoah Sanders. Et nous sommes en 1973. Thank you. gonna tell a story, come with some attitude, man. Don't be all corny. Après John Sleckman que nous avons entendu en début de programme, voici le titre original. Jackie Studemeer et son fantastique Don't Stop Dancing. Les cuivres, allô, allô, les cuivres. La nuit des temps, l'international de la danse. Long time to be able to play like yourself. Such a good day. It's such a good day. Yeah, such a good day. Such a good day. C'est notre powerplay de la semaine dans la nuit des temps, le jeune et talentueux Lewis Hoffman. Mais oui, ça n'a pas l'air comme ça, mais au final, tout compte fait, si on regarde bien, c'est une sacrée journée, non ? Such a good days. Nous sommes à Paris en 2022. Il y a des groupes comme ça qui font un passage éclair et pourtant qui marquent leur époque avec une forme de modernité qui aura duré, oh, juste quelques secondes à l'échelle de la pop. C'est sans doute le cas des Scritti Politti, un groupe anglais de Leeds, c'est dans le Yorkshire. Green Guardside, le chanteur, se présentait comme issu du post-punk et ça, ça sonnait terriblement bien en 1985. Ça sonne toujours bien aujourd'hui, finalement. Voici Woodbees. Des Scritti Politti, nous sommes dans la nuit des temps. Yeah. La nuit des temps, Radio Duo. Thank you. Dominique Dumont est un drôle d'attelage. D'un côté, nous avons Arthur Lippins, qui est musicien et producteur. Et puis de l'autre, nous avons Annette Stuss. Elle est ethnomusicologue. Ça doit être écrit comme ça sur son compte LinkedIn. Bref, c'est un groupe qui vient non loin de la mer Baltique et qui nous fait penser, vieux briscard du clubbing que nous sommes, aux fantastiques mélodies et arrangements d'Eli et Jacquenot dans les années 80. Sans cesse, mon chéri, c'est le titre, et nous sommes en Lettonie en 2018. Allô, het is Charlotte. Hallo? Hallo, het is Charlotte. Hè? Charlotte. Welke? Hallo. Hallo, het is Charlotte. Hallo. Hallo, Charlotte. Hallo, het is Charlotte. Adigerie. Hallo, het is Frederik de Witte. Ah, komt erin. Charlotte Adigerie. Goedemiddag, gesprek met mevrouw Charlotte Adigerie. Hallo. Hallo, het is Charlotte. Hallo. Hallo, Charlotte. Charlotte. Hallo. Hallo, het is Deliveroo. Christiane en Charlotte Adigerie. Ja, hallo. Alice. Hallo. Clara. Hallo. En Charlotte. Oui, Charlotte, oui. Hallo, bedoel. MUZIEK Il est temps pour nous de refermer les portes de ce bon vieux club de la nuit des temps. Nous avions le bonheur de recevoir ce soir Jens Lekman, qui farfouille dans les années 70 pour retrouver des sons bien bien ronds. Il y avait également Lewis Hoffman en powerplay. Et on a en tête sa vidéo Dancy Boy en 2020 avec un gamin qui va chercher deux ou trois bricoles dans une épicerie et trouve entre le rayon carambar et lait écrémé de quoi danser. Il y avait également Evans Pyramid, demi-pharaon de la disco et du boogie. Évidemment les Beastie Boys. Et puis Tim Bernardes, que l'on suit totalement et absolument sur son deuxième album. Pharoah Sanders pour décrocher les étoiles du jazz et de la soul. Jackie Studemeer, oublié mais retrouvé ce soir dans les annales de la soul. Les Scritti Politti également, oublié et retrouvé, mais cette fois dans les annales du post-punk. Il y avait Panta du Prince, autre amateur d'étoiles. Les Dominique Dumont au bricolage sonore fantastique. Et puis, quel bonheur de retrouver les Niagara, heureux élus des années 90, dont le son ne demande qu'à être redécouvert aujourd'hui. On me murmure à l'oreille que la chanteuse Muriel Moreno, redevenue Muriel Laporte, et héroïne pop s'il en est, se consacre aujourd'hui au yoga. C'est la classe. Du yoga au podcast, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir allègrement pour retrouver tous les épisodes de La Nuit des Temps ou nous suivre sur Instagram à La Nuit des Temps 2. Vous êtes bien sur Radio Duo, les bonnes ondes de Radio Duo. Je vous souhaite une belle nuit à vous. Et puis, à bientôt les amis. Salut !